trouver sur le net. Un petit 10 minutes pour démarrer ce micro ouvert avec Marilyn Patou Matisse. C'est un livre qui me tient particulièrement à cœur parce que actuellement, comme on le constate, la violence est omniprésente, elle est multiforme. Et ce qui m'intéressait en tant que préhistorienne, c'est d'essayer de chercher les origines. Est-ce que c'était, comme certains le disent, notamment à travers René Girard, mais bien d'autres, même Freud, que la violence est intrinsèque à l'homme, c'est-à-dire qu'elle est génétique, elle est portée par tout un chacun, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est culturel, qui est en fin de compte construite par la société, par les cultures, par les traditions. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Mais je dois, pour être honnête, vous dire que aussi c'était un petit peu un coup de colère. Parce que y a vraiment toujours cette phrase qu'on entend sans arrêt, qu'on jette à la figure, en disant « Oh là là, de toute façon, c'est intrinsèque, c'est la violence est intrinsèque, on ne peut rien faire, c'est la part d'animalité en l'homme. » Alors moi qui connais bien les animaux et tout, comment on peut dire une chose pareille? Je veux dire, comme si l'animal était violent, l'animal est agressif comme nous, heureusement, ça c'est la survie, mais toujours rejeté. Donc c'était une espèce d'alibi à tous nos débordements. La violence était un alibi parce qu'elle est intrinsèque, donc c'est pas notre faute, quoi. Et ça c'était un peu agaçant, et alors encore plus quand on est préhistorien. En plus moi je travaille sur le Néandertal, hein, j'ai beaucoup écrit sur le Néandertal. Alors là en plus toujours cette vision hyper négative de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient violents, donc on est violents. Hein, vous voyez, cette espèce de raccourci. Et tout ça est un peu énervant parce qu'en fin de compte, comme beaucoup d'autres choses, la notion de race et tout que j'évoquais dans mon précédent livre, il n'y a pas de preuve archéologique de cette violence, de ces hordes primitives et sauvages. Donc, c'est à la fois une réflexion par rapport à... Parce que ce n'est pas parce qu'on est préhistorien qu'on ne s'intéresse pas au présent et à l'avenir. Hein. Je crois qu'au contraire, on peut apporter beaucoup parce qu'on a une vision sur du long terme. Donc c'était ça. Et aussi parce qu'il y avait cet agacement de ce présupposé permanent que l'homme préhistorique, nos ancêtres, voilà, que nous, bien sûr, on est les meilleurs, on est l'aboutissement d'un grand des progrès successifs. Et, bon, voilà. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'a fait réfléchir à cette question qui est quand même, à mon avis, très importante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous, préhistoriens, nous avons donc ce recul, cette durée. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est aussi comment on a... Il y a deux choses. Il y a les faits archéologiques sur le préhistorique. Alors là, c'est... Voilà, quand on va sur le terrain, moi, je fouille en Crimée, par exemple, on est sur le terrain, on sort du matériel, des ossements. Donc, on regarde s'il y a des traces de violence. Hein. Et puis, il y a aussi la réflexion sur la construction de l'homme préhistorique. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la réalité de l'homme préhistorique archéologique, factuelle, et il y a l'imaginaire. Et donc, de voir que cet imaginaire, construit bien sûr dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est elle qui nous marque tout un chacun qui n'est pas préhistorien ou archéologue, et qui fait que dans l'imaginaire, le préhistorique est violent, il est sauvage, il est près du singe, etc. Et donc ça m'intéressait aussi de montrer qu'il y avait une double construction là aussi, donc à la fois savante, mais contrairement à ce qu'on a pu montrer pour d'autres sujets, comme le sauvage et le préhistorique, là elle est antagoniste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les faits archéologiques ne disent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que, contrairement à l'imaginaire, que l'homme préhistorique est violent. Parce que les traces de violence sont relativement rares. C'est vrai qu'il y a la démographie qui joue. C'est vrai que là, on n'a pas quand même des millions de sujets à étudier, et ça c'est clair. Mais il n'empêche qu'on n'a pas vraiment de traces de violence, disons, à part interpersonnelle, à part peut-être liée au cannibalisme, liée à des rituels. Donc ça, c'est très ancien, à peu près déjà on a quelque chose vers à peu près 800 000 ans. Mais sinon, c'est pas vraiment des massacres. C'est-à-dire qu'on a l'apparition de massacres à part un seul exemple, qui est vraiment lié à un changement de structure de la société préhistorique, changement à la fois économique et sociétal. Et donc, et là, c'est bien marqué. Donc ça, c'était quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, non. Peut-être que les chasseurs-cueilleurs, à l'origine, n'étaient pas... violents. Ils étaient bien sûr probablement dans une agressivité par moment pour sauver leur vie et tout. Et peut-être une violence, c'est ça que c'était une découverte pour moi. C'est-à-dire que c'était pas non violent non plus. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui apparaît en tout cas ritualisée, notamment à travers le cannibalisme. Et ça, c'était intéressant. Comme si que dès que l'homme est homme, en fin de compte, il a besoin de répondre à des questionnements. Pourquoi on est là, enfin, existentialiste. Et donc, se dire, voilà, et pour répondre, on se crée des esprits, des dieux, des divinités, etc. Et pour que ça aille bien, pour que tout se passe bien, on leur fait des sacrifices. Et le plus grand sacrifice pour des petits groupes, parce que les chasseurs-cueilleurs sont des petits groupes, c'est quand même le sacrifice humain. Donc, ça, c'était une découverte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a de la violence, parce que ça, c'est quand même de la violence, de tuer quelqu'un. Il y a de la violence, mais c'est vraiment dans des contextes bien particuliers. Ce n'est pas du tout lié à ce que, là aussi, dans l'imaginaire, le rapte des femmes, prendre le bien de l'autre. De toute façon, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas de bien. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout ça, mais elle existe quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des bisounours. Hein, on n'est pas dans un monde... Et donc ça, c'était intéressant de voir ça. Et par contre, c'est confirmé, parce qu'il y a déjà eu des études faites notamment par des collègues qui travaillent sur le néolithique ou la proto-histoire. C'est vrai que là, on a par contre vraiment des traces de massacres, à part le site 117, bon, qui est un cas extrême du 14 000 ans, mais sinon c'est vraiment lié à ce changement à partir, disons, on va dire, le néolithique. Et là, c'est ça, c'est clair, ça se confirme, parce que là, on a vraiment des sites où on a beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants massacrés, donc avec des pointes de flèche, etc. Donc là, on est sûr que... Alors, c'est pour ça que ça m'a entraîné, comme toujours, hein, c'est un jeu de domino, m'entraîner à réfléchir pourquoi, qu'est-ce qui a pu modifier. Alors, comme il se passe plein de choses, à mon avis, c'est polyfactoriel, et il y a à la fois, bien sûr, il y a un changement environnemental important, hein, avec un réchauffement climatique, qui entraîne, c'est pas en soi qui va être dangereux pour l'homme, mais qui va entraîner un changement d'économie, et donc ça, c'est intéressant, de prédateur, on va devenir producteur. Ce système de producteurs entraîne là aussi un changement sociétal, puisque là on va stocker, on va avoir des biens, alors qu'avant la nourriture était juste suffisante pour quelques jours. Là il va y avoir la nourriture du surplus, donc qui va être stockée. Et évidemment, le stockage, le surplus, tout ça, ben, ça entraîne évidemment des convoitises pour ceux qui, ben, par ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas ce stock. Et aussi au sein même de la société, on voit que les conflits sont surtout intracommunautaires, pardon. Et donc on voit très bien que c'est ça qui, là aussi, va créer la hiérarchie, les inégalités. Enfin bref, c'est en train de plein de changements. Et donc c'était de voir un petit peu, de faire un peu la part des choses, parce qu'il y a un phénomène très important aussi, c'est que la sédentarisation arrive déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Moi qui travaille beaucoup sur les chasseurs-cueilleurs paléolithiques, les gens pensent que c'est les néolithiques qui s'installent. Non, ça commence déjà avec les chasseurs-cueilleurs. Et cette sédentarité entraîne des changements très importants déjà, puisqu'elle fait augmenter la démographie et oblige à changer de système économique. Donc vous voyez, tout est imbriqué. Et j'ai essayé de mener une réflexion aussi plus large en essayant de voir aussi s'il n'y avait pas d'autres influences, notamment dans la façon de voir comment était structurée la société. Donc je me suis intéressée au matriarcat, patriarcat, voilà, puisque est-ce que c'est la grande question, les paléolithiques ne savaient peut-être pas le rôle du père, hein, dans la reproduction, puisque la mère, le bébé, on voit d'où il sort, mais le père. Donc il y avait cette réflexion, et donc le matriarcat était quand même, à mon avis, très prégnant, rien que pour ça. Ou le matrilinéaire, on sait l'enfant d'où il venait. Mais dès qu'il y a du surplus, il y a des biens. Et les biens, il faut les transmettre. Et les biens, tout de suite, c'est souvent très masculin. Et donc là, pour les transmettre, il faut être sûr d'être le père. Et là, je pense que là, la familia va commencer. Moi, ce n'est pas encore la familia romaine. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et autre découverte là, relativement récente de ces dernières années, c'est quand même la présence dans les nécropoles ou dans les espaces funéraires d'esclaves. Ça, c'est quand même très intéressant. Vers 4500 ans, on a des esclaves. Et là, c'est vraiment la découverte qui confirme que, évidemment, pour travailler les champs, pour garder les troupeaux, ce n'est pas des petits groupes, ce n'est pas suffisant. Il faut bien aller chercher les travailleurs. Et à l'époque, on ne va pas chercher les salariés, on ne va pas aller voir le voisin lui dire tu viens travailler chez moi, pas du tout. Donc l'autre, il n'a pas envie d'être esclave, donc c'est la guerre. Hein. Évidemment, les conflits sont pensés. Et cette présence, au niveau vraiment des preuves archéologiques de l'esclavage à 4500 ans, ça c'est quand même intéressant. Et c'est probablement des prisonniers de guerre. Voilà. C'est allumé, okay. Voilà. C'est aussi le micro-vert, c'est aussi un peu du spontané, comme ça. C'est un peu du brut. Pas brutal, hein, même si des fois... On ne sait jamais. Ça peut l'être, mais le sens n'est pas ça, quoi. C'est un peu brut, il n'y a pas de montage. Donc voilà, j'avais envie, déjà depuis un petit temps, de faire un espèce de portrait, là, de Anne Lowenthal qui se trouve en face de moi. Mais portrait, c'est bien dit, un portrait ? Oui, enfin je vois pas très bien quoi dire d'autre. En tout cas, moi j'avais envie de te rencontrer et plus que 5 minutes parce que Anne, tu es une blogueuse militante, comme on dit. Oui. Hein, c'est noté comme ça quand on va regarder un peu qui tu es. Je suis plus très blogueuse, mais je suis toujours militante. Voilà. Blogueuse, ça veut dire que tu tiens plus ton blog à jour. Pas tellement. Parce que j'ai vu ça. Évidemment, pour te rencontrer, j'ai un petit peu checké. Donc, chroniqueuse, donc t'es militante, ça tu dis oui. Mais j'ai vu que t'étais aussi assistante sociale, ça je trouve ça trop chou. Chou. En fait, c'est ma formation de base. Ouais. Mais en fait, je ne le suis pas vraiment. Je ne le suis pas, je l'ai été très peu. Parce que je ne trouvais pas ça chou du tout, en fait. Explique-nous pourquoi. Mais je me suis vite rendu compte qu'on me faisait mettre des emplâtres sur des jambes de bois et que, en plus, avec peu de moyens, et qu'en plus, j'étais très mal payée. Et donc, c'était vraiment, ça devenait un peu schizophrénique parce que, par exemple, j'allais aider des gens à gérer leur budget. Et moi-même, je ne gérais pas le mien. Et je savais très bien que mon boulot était utile, évidemment, à chaque personne que je voyais, mais structurellement, pas du tout. Donc, je devenais un petit peu neurasthénique dans ce boulot. D'autant que j'étais dans une institution où c'était pas très gai. Et j'ai eu l'opportunité d'aller ailleurs en communication et je suis partie. Mais comment t'es passée comme ça d'assistante sociale en communication ? Alors là, c'est les hasards de la vie et du mariage. Du bon piston ? Plus ou moins. En fait, j'ai été en couple avec un journaliste en formation, et puis plus en formation. Et à une époque, il cherchait des gens pour encoder au journal. Et donc, je suis rentrée chez Sud Presse. C'est un truc que j'assume avec l'âge, comme encodeuse. Et puis petit à petit, j'ai remplacé l'un ou l'autre sur un reportage, au tribunal. Et j'ai fait mon trou comme ça et je suis devenue journaliste, principalement chroniqueuse judiciaire et journaliste locale. Et puis l'édition dans laquelle je travaillais a fermé. Je suis restée un petit peu journaliste locale. Et puis je suis devenue assistante sociale parce que... Tu es redevenue assistante sociale ? Oui, je suis redevenue assistante sociale parce qu'en fait, je ne gagnais pas ma vie. Comme journaliste. Voilà, comme journaliste indépendante. Bah, décidément, assistante sociale, tu as dit juste avant qu'assistante sociale non plus, tu ne gagnais pas ta vie. Je ne la gagnais pas, mais au moins j'avais un salaire, on va dire. Je la gagnais un peu plus régulièrement et j'avais une couverture sociale. J'avais un fils aussi, donc il fallait assurer. Et je divorçais, donc voilà. Et puis, comme ça ne se passait pas bien du tout dans mon travail et que j'ai rencontré quelqu'un pour lequel j'ai travaillé dans l'immobilier, mais à rédiger des articles, cette personne m'a engagée comme responsable de communication et à l'IPI, c'est l'Institut professionnel des agents immobiliers. 4 ans, ce pourquoi je leur suis reconnaissante, c'est qu'ils m'ont appris le métier. Quel métier ? De journaliste alors ? Non, de chargée de communication. Et ce pourquoi je leur suis très reconnaissante, c'est de m'avoir virée au bout de 4 ans. Parce que c'était horrible, parce que c'était des gens qui étaient à des kilomètres de mes valeurs. Et donc, Mais par contre, du coup, j'avais un pied dans la communication et je suis restée dans la communication. Voilà, c'est comme ça que tu as démarré. Mais alors, c'est plutôt... t'es un peu la bonne femme qui s'est fait sur le terrain, quoi, en gros. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai eu la chance de savoir écrire, d'être très sociable, je pense, et donc de faire mon trou dans le journalisme. J'étais totalement nulle aux études, mais j'aime bien apprendre, découvrir sur le terrain. Si je reste dans un boulot où je n'apprends plus, je déprime un peu, il faut que je change. Et donc, tant que j'apprends, je suis contente et du coup, j'apprends mes métiers en les pratiquant. C'est classe, ça veut dire que tu sors pas d'un bureau tout, tu vois, d'un bureau assise, là, tu es vraiment quelqu'un du terrain, quoi, quelque part aussi, non? Mais oui, en fait, je suis responsable de mon service, donc j'ai quand même du travail de bureau, mais j'ai besoin d'être sur le terrain tout le temps. Par exemple, si on organise un événement à l'Arc, je suis au bar, je fais les quiches avant l'événement Je fais le quiche avant l'événement. Enfin, et ARC, ça veut dire l'Arc. Oui, Arc, Action et Recherche Culturelle, c'est une association d'éducation permanente. Et donc, enfin, je fais de tout. Aussi bien du très pragmatique que des réunions de direction, etc., quoi. Mais je ne saurais pas rester à mon bureau, ça c'est clair. Mais c'est quoi le but de l'Arc? Alors on fait donc de l'éducation permanente. Donc la grosse définition de l'éducation permanente, c'est de donner aux gens les outils de leur émancipation. Et nous, on fait ça à travers la défense des droits culturels. Et on a trois axes d'action qui sont la société numérique, où là on lutte principalement contre la fracture numérique, l'expression, où là on donne aux gens des moyens, où on les aide à mettre en valeur leurs moyens d'expression. Et puis on a une thématique qui est beaucoup plus globale qui s'appelle culture et société, où là on réfléchit principalement à la place du citoyen dans la société capitaliste et où on lutte contre le capitalisme. Là, ça je savais pas du tout, dit. Vous luttez, donc l'Arc lutte contre le Alors, capitalisme. on lutte entre guillemets parce qu'on informe, on rédige des analyses sur des faits de société et on essaye de faire comprendre aux gens dans quoi ils sont et de les encourager en leur donnant des outils pour prendre position dans cette société et pour revendiquer leur position dans cette société. C'est-à-dire, je vais Ouais, parler un peu en c'est ça. caricature, mais des gens qui vivent dans des squats font partie de cette société. Ils doivent s'imposer dans cette société. Ils ne doivent pas correspondre à la définition qu'on donnera d'eux, qui est des exclus de la société. En fait, tout le monde fait partie de la société, mais tout le monde n'a pas la même place. Or, nous, ce qu'on fait, c'est lutter pour que tout le monde ait la même place, les mêmes mots à dire, la même participation. En tout cas, on n'oblige personne à participer, mais on donne des opportunités de participation aux gens, quoi. Que ce soit à travers des prises de parole, via des projets comme Raconte-moi ton quartier, où on invite les gens à raconter leur quartier et on transmet ça dans des contes qu'on raconte dans les rues du quartier, etc. Que ce soit à travers des ateliers d'écriture, mais que ce soit aussi à travers des activités comme des Ripper Café, etc. C'est vraiment, comme citoyen, quelle place je peux prendre pour lutter contre ces sociétés qui m'excluent et contre ce capitalisme qui me fait avoir des attitudes totalement irréfléchies et même irresponsables. On le voit aujourd'hui avec le climat, mais de surconsommation, etc. C'est un vaste programme tout ça et quoi concrètement donc oui t'expliques vous y croyez à tout ça? On y croit à fond. Non, on y croit, mais par contre, on est une association qui veut absolument travailler en partenariat avec d'autres associations, parce qu'on ne changera pas la société tout seul. Et donc, on pense qu'on n'est pas tout seul à porter un message et que, par contre, on est très nombreux à le faire et qu'il faut travailler ensemble. Alors Anne, j'avais aussi envie de te rencontrer parce que voilà, il y a ton boulot là maintenant, tout ça. Donc quelque part, c'est quand même encore un pied dans du social, quoi. Même si t'es pas assistante sociale, c'est quand même un pied dans le social. On pourrait quand même poser la question, même si je disais au début que c'était chou, assistante sociale. Le social, t'as quand même choisi le social, quoi. Pourquoi? Pourquoi le social? Pourquoi pas l'agriculture, pourquoi ce La billet-là, finance. quoi? Tu dis? La finance. Mais je sais pas, c'est psychanalytique à mon avis. Mais j'ai eu très très tôt conscience de certaines inégalités, de certaines injustices à l'école, etc., où on ne nous a pas très bien traités, en tout cas certaines catégories de personnes, en primaire déjà. Et donc, je pense que j'ai cette fibre-là en moi depuis que j'ai subi des choses de la part de certains profs et que d'autres camarades qui étaient encore moins bien lotis que moi étaient littéralement maltraités. Et donc, je pense que ça vient de là. Mais après, ça vient d'un tas d'autres choses aussi. J'ai une conscience sociale qui a toujours été très développée. À l'école, on m'appelait la passionnariat, Rosa Luxembourg. C'est vrai? Ouais, j'étais de tous les combats étudiants, etc. J'allais manifester avec mes profs. Voilà, je suis comme ça. C'est ma nature, on va dire. Et quoi, comme ça, on papote, hein, s'il n'y a rien de... Comment dire, voilà, c'est juste une discussion. Mais tu crois qu'il y a moyen de changer vraiment les choses comme ça Parce qu'après, tu vois, il y a le milieu socio-cul, on est là, on baigne un peu dans les codes, dans la même manière de penser, dans, tu vois, mais parce que tu parlais au début, enfin moi ça me parle, hein, de mettre un sparadrap sur une plaie béante. Est-ce que des fois on se raconte pas trop, est-ce qu'on se raconte pas des histoires comme ça, ou bien on ronronne un peu, ne le prend pas mal? Mais en fait, je pense que... Après, je ne vais pas parler, moi, comme assistante sociale, dans mon expérience d'assistante sociale, parce qu'il y a 10 000 métiers pour les assistants sociaux. Et il y en a qui sont plus globaux que d'autres, moins individuels que d'autres. Mais moi, dans mon métier d'assistante sociale, je permettais juste à des gens de fonctionner dans la société telle qu'elle fonctionne. Et l'avantage ici, à l'ARC, c'est qu'on travaille plus sur la structure que sur... Qu'à faire de bons petits soldats dans la structure, quoi. À permettre aux gens de survivre avec des sommes ridicules, par exemple, dans une société qui est super riche. Enfin, voilà. Ici, on met plus cette société en question, mais parallèlement à ça, on a aussi ici des choses très concrètes, comme on soutient Bruxelles qui distribue des serviettes hygiéniques à la rue, 2,50€ vient ici faire les pique-niques pour les migrants, on travaille beaucoup avec Douche Flux qui s'occupe de SDF, donc on fait un peu les deux, on fait un peu du travail de global sur la société, et on fait aussi du caritatif, on va dire, très concret avec les gens, et ça je m'y retrouve totalement, parce que je pense que réfléchir à la société c'est bien, mais ça doit être très frustrant aussi si on voit pas un peu de terrain, quoi. Oui, si on voit pas le changement, je crois que c'était ça que tu allais dire. Oui, après, je ne sais pas si on change la société, j'espère que un peu, mais je pense surtout qu'on empêche la société de sombrer encore plus dans ses travers. C'est-à-dire que le non-marchand, j'englobe aussi l'enseignement et tout ça, mais le socio-cul lance des signaux d'alarme quand même, qui sont importants. Aujourd'hui, tu veux dire? Qui, je veux dire, ici on a un gouvernement qui a totalement dépassé les bornes tout le temps, mais je pense que sans les alertes qu'ont donné beaucoup d'associations, etc., on aurait encore été plus loin, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a de la solidarité, et je vois via le réseau social que je regarde en diagonale, t'as quand même une grosse présence là, hein, c'est quand même un outil, un bon outil comme ça dans le paysage, je sais pas, je peux dire bruxellois, dans le paysage belge. Oui, bah, les réseaux sociaux, ça a un impact partout, ça c'est l'avantage. Après, moi, mon action, elle est très bruxello-centrée, alors que je suis louviroise, c'est comme ça, c'est parce que je suis tout le temps à Bruxelles, mais ça me permet aussi... d'être un peu plus paresseuse, ou je sais pas comment dire, c'est-à-dire que mon action elle est de moins en moins sur le terrain et de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que j'ai du boulot et que je suis plus souvent devant mon PC qu'hors de chez moi, et ça me permet d'être très utile, mais comme à tout le monde, parce qu'en fait Facebook c'est un fabuleux outil de mobilisation, quoi. Je veux dire, les migrants ne seraient pas nourris comme ça, ne seraient pas logés comme ça, sans Facebook. Bêtement, avec un groupe Facebook, il y a 600 migrants qui dorment à l'intérieur toutes les nuits. Enfin, c'est quand même énorme. Sans Facebook, ça n'aurait jamais existé. Et il n'y a pas que les migrants. Hein. Douche Flux a démarré sans locaux et tout, en grande partie grâce aux réseaux sociaux, grâce aux mobilisations. Les Afghans à l'église du Béguinage ont mobilisé énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, et en plus de ça, il y a beaucoup de merde qui circule, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup de... Moi, ça me permet aussi d'offrir un regard qui n'est peut-être pas éclairé ou qui n'est peut-être pas le bon regard, mais qui est en tout cas un autre regard sur l'actualité que ce que nous offrent les médias. Et je trouve ça super important. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil fabuleux. Qui peut être aussi un outil dangereux, mais si on s'en sert bien, c'est parfait, quoi. Pourquoi tu dis un outil dangereux ? Parce que c'est aussi le lieu du harcèlement, c'est aussi le lieu des fake news, voilà, c'est aussi le lieu où les politiques apparaissent tout à coup, 3 mois avant les élections. Enfin, voilà, c'est... Ça, elle le faisait déjà d'une autre manière sans le réseau social, voilà, non ? Oui. Bah, c'est... Et puis, c'est aussi... en soi, des outils du capitalisme. C'est aussi des outils où, si on ne fait pas gaffe, enfin, déjà, ne fût-ce que le fait d'y être, on est déjà le produit. Mais alors, si on ne se protège pas un minimum, si on publie sur Internet des choses, en fait, sans réfléchir, sans se dire, mais en fait, je n'ai pas envie que ces choses soient publiques. Donc, on pense qu'on les réserve à ses amis, mais c'est totalement con. Et donc, il faut quand même être vigilant. Mais franchement, voilà, on peut faire le. Ben, c'est comme l'être humain, en fait. On peut faire le pire et le meilleur, et tout est un peu exacerbé, mais ça peut être très positif. Et puis, tu t'en sers comme un outil, quoi. Voilà, tu racontes pas vraiment non plus ta vie perso. C'est plutôt chaque fois aussi, on dit comme ça, faiseuse d'opinion. On dit de toi que tu es une faiseuse d'opinion. T'aimes bien ce terme ? Bah, c'est flatteur, mais je trouve ça un peu ridicule. Enfin, ça fait un peu gourou, enfin, je sais pas. Et il y a beaucoup de gens, quand ils m'attaquent, qui disent « Oui, la petite meute de Anne Leventhal qui dit oui, oui à tout. » Bah, en fait, il y a beaucoup de mes entre guillemets ennemis, de mon contradicteur qui s'en prennent à mes contacts Facebook ou Twitter au lieu de s'en prendre à moi, quoi, en disant qu'ils n'ont pas de cerveau. Donc t'es les gens qui comment on dit ça ? Pas toi directement. Comment on s'y prend pour pas s'y prendre ? Ah oui, Anne Leventhal, avec tous les moutons qui la suivent, avec les mans, oui, Anne Leventhal, le gourou, enfin des trucs comme ça. Mais oui, voilà, c'est. Oui, c'est faiseuse d'opinion. Je pense que j'influence, enfin j'espère quand même certaines personnes. J'ai quand même des discussions avec des gens d'extrême droite et parfois, très rarement, mais. J'arrive à infléchir l'une ou l'autre opinion. Enfin voilà, c'est et en tout cas les gens qui n'ont pas d'opinion et qui lisent les médias et qui lisent Sud Presse, eh ben je leur dis attention, vous lisez ça, mais est-ce que vous avez pensé à ça ? Vous savez que Sud Presse n'a pas le droit de dire ça. Enfin voilà, c'est important d'offrir un regard critique. Bah moi je trouve que ton regard ou ce que tu écris, je trouve c'est bien tapé aussi, quoi. C'est pas n'importe quoi que tu balances. Et bon, on est dans un monde, surtout aussi avec le réseau social, où c'est sûr qu'il y a plein de conneries, quoi. Il y a plein. Enfin, est-ce que t'as pas l'impression aussi qu'on touche un peu dans notre monde aujourd'hui à être dans la non-pensée, quoi. On est là, on fait tout pour ne plus avoir de pensée. Donc toi, qui amènes vraiment des mots, quoi. Hein, t'écris des textes. Tu émets une opinion, des idées, donc ça fait du bien aussi. C'est peut-être ça aussi qu'il y a un manque de... Tu vois, comme si on avait envie d'uniformiser tout et qu'on enlevait un peu le cerveau aussi de la tête. Et toi, tu amènes à autre chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ça fait évidemment... Oh oui, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais en fait, oui, parce que ça, c'est un truc que j'essaie de combattre aussi à ma mesure, mais c'est... effectivement, on nous dit de plus en plus comment on doit vivre. Et par exemple, on légifère sur tout. On nous dit comment on doit penser. Les journaux nous servent des communiqués de presse. Pour la plupart, on n'a même jamais une critique derrière un propos. Donc, on va nous dire que Franken a dit ça. Et derrière, on ne va pas nous dire, mais en fait, il a déconné, il a dit ça, mais dans les faits, il aurait dû dire ça. Ou, on nous offre zéro regard critique sur les choses et on nous dit, tu ne peux pas fumer dans ta voiture avec tes enfants. Évidemment qu'on ne peut pas fumer dans la voiture avec les enfants. Mais là, maintenant, on fait une loi parce qu'on sait mieux que toi comment tu dois vivre et on va t'y obliger. Et c'est comme ça pour tout. On t'oblige à tout. On t'interdit tout. Tu ne peux plus faire la fête après 1h du matin parce que ça dérange les voisins. Mais évidemment que tu sais que tu déranges les voisins quand tu cries dans la rue, tu vois. Et évidemment que quand tu cries dans la rue, tu ne respectes pas les voisins. Tu t'en fous du règlement. Tu vas quand même crier dans la rue. Enfin, voilà. Et donc, oui, en effet, on pense pour nous. On nous dicte comment on doit vivre et surtout on ne doit pas critiquer. Et on le voit bien en France, on le voit bien en Belgique. Ceux qui pensent trop, ils sont dans le collimateur, quoi. Mais c'est quand même assez fou et fort en ce moment. Hein. Je pense aux Gilets jaunes. Moi, je les ai plus suivis en France. C'est incroyable comme les leaders de ce mouvement qui sont pas du tout. J'ai vraiment suivi, quoi. Hein. J'ai pas simplement. Ce sont des personnes vraiment conscientes du monde dans lequel nous sommes et qui l'analysent et qui le critiquent. Ben juste ça, c'est dangereux. Est-ce que toi, tu as déjà eu des choses par rapport à... est-ce qu'on t'a déjà emmerdé? Est-ce que le système, entre guillemets, t'a déjà emmerdé Je veux pas être parano, mais... À un moment, on m'a dit que j'étais sur écoute. Enfin, je veux dire, on me l'a dit de bonne source. Ça, on est tous sur écoute, non? Oui, mais quand j'organisais quelque chose, mon téléphone faisait des bruits bizarres, coupait régulièrement, enfin voilà. Et puis, on m'a confirmé en interne que oui. C'est clair que quand j'allais à certains endroits, les flics venaient vers moi parce qu'ils savaient très bien qui j'étais, alors que je ne les avais jamais vus, ni d'Ève ni d'Adam. Mais après, j'ai été comme tout le monde arrêté plusieurs fois, alors qu'avant ça n'arrivait. Enfin, tu vois. Arrêté, qu'est-ce que tu veux dire? Se faire arrêter, se retrouver au cachot, quoi. Oui. Mais pourquoi? La première fois, c'est quand on a organisé la rave party, quand il y avait tout juste un gouvernement, mais qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le budget. Donc ça, c'était vraiment une blague. Ah, mais moi, je t'ai rencontré à ce moment-là. Et là, c'était une totale blague. Et c'était très bon enfant. Et c'était pas sur la zone interdite, etc., la zone neutre. Donc vous aviez manifesté un groupe. En fait, on avait fait une fête, quoi. Voilà. Mais c'était deux vieilles ou trois vieilles qui organisaient une rave party en centre-ville. Donc c'était juste même autodérisionnel. Enfin voilà, c'était. À l'impro, vous avez fait oui, ça, quoi. Oui, sauf que j'avais quand même eu la sûreté de l'État au téléphone. Qui m'avait demandé si j'avais une autorisation. J'avais dit que je voulais pas d'autorisation, que je refusais d'avoir une autorisation pour manifester, pour m'exprimer contre l'État. Et d'autant qu'ici, ça n'était pas une organisation, une manifestation, c'était une fête. Mais on s'était mis d'accord que moi j'avais dit, écoutez, on cherche pas du tout la bagarre ou quoi. Bien sûr qu'on n'ira pas en zone neutre si on peut pas aller en zone neutre. Et ils nous ont proposé la place Royale. Et donc, j'ai dit, OK, très bien, on ira à Place Royale. Mais le jour du truc, c'était même pas commencé. C'est là que j'ai rencontré M. Van der Smissen pour la première fois. Et donc, il y a Van der Smissen et le gars de la Sûreté de l'État qui s'amènent vers nous. Et le gars de la Sûreté de l'État qui dit en flamand à Van der Smissen, c'est bon, elles ont l'accord. Et là, grosse discussion et tout. Et on s'est fait tous arrêter, quoi. On était 104, je pense, au cachot ce jour-là. Donc ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, c'est on allait à une... avec mon frère, on allait à une conférence sur comment militer aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et mon frère marchait devant moi et il a traversé au rouge. Enfin, les voitures étaient déjà arrêtées, mais ce n'était pas encore vert. Et il y a une policière juste à l'endroit où on allait qui lui a dit... Monsieur, venez vers moi. Et donc, il a obéi. Donc, il a retraversé une petite rue au feu rouge. Et elle lui a dit, oui, vous venez de brûler deux feux rouges. Donnez-moi votre carte d'identité, machin. Et moi, je suivais derrière. Donc, il y a le gars du magasin en face qui m'a arrêté parce que le feu était rouge. Enfin, voilà. Et donc, elle lui demandait sa carte d'identité. Et il lui montrait. Et elle voulait la prendre. Et il a commencé à dire, mais non, vous n'avez pas à prendre ma carte d'identité. Je vous la présente. Et moi, j'ai sorti mon GSM. Et j'ai dit, madame, je vais vous filmer. Donnez-moi votre identifiant, nanana. Et c'est parti en couille. Elle a appelé deux voitures de... Enfin, il y a eu deux renforts de police qui sont arrivés. Et on s'est retrouvés en cellule, quoi. comme ça. Enfin, je veux dire, il s'était rien passé, quoi. Et voilà, ça c'est les deux fois. Mais là, on s'est retrouvés en cellule, mais on a d'abord été foutus à poil. Ah ouais, oui, oui. Excellent, excellent. Parce qu'on avait traversé il avait traversé deux passages piétons, dont un parce qu'elle l'avait ordonné et qu'on s'était engueulé avec elle, quoi. Oui, voilà, des emmerdeurs plus qu'emmerdeurs. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on ne comprend pas le lien entre se faire déshabiller, enfin, oui, non, oui. Tu t'es déshabillée toi-même, mais oui, quel est le fouillage, on vous a fouillé? Alors, en fait, d'abord, ils m'ont dit de me déshabiller, mais elle est rentrée dans la salle en ricanant, et donc ça, j'ai hurlé que si c'était hors de question que je me déshabille devant elle, que si c'était comme ça, j'allais hurler, réveiller tout le commissariat, machin, donc ils l'ont sortie. Donc la pauvre, c'est une employée administrative qui s'est retrouvée... devant moi, j'ai dû me foutre à poil, me retourner, me baisser. Enfin. Et là, en fait, mon GSM a sonné. Et donc, j'ai sauté dessus, j'ai décroché. C'était un gars de la conférence et je lui ai dit où on était. Du coup, ils ont confisqué mon GSM. Mais du coup, mon GSM n'était pas verrouillé. Et ils ont vidé tout mon GSM. Et chose qui est totalement interdite. Mais le gars était prévenu et donc, au lieu de faire leur conférence, ils sont venus manifester devant le commissariat. Mais c'était bien parce qu'il y avait le président de la Ligue des droits de l'homme. Ouais. Et donc, on a été libérés. Normalement, ils avaient dit qu'on nous emmenait à l'Amigo pour passer la nuit. Mais il y a eu une manif, quoi. Et puis, vous n'avez pas passé la nuit, du coup? Non, parce qu'en plus, comme mon fils était à la maison tout seul... j'ai voulu prévenir mon ex-mari, mais qui est journaliste. Et donc, je suis tombée à la rédaction où, évidemment, ils ont tout de suite su que j'étais arrêtée. Et donc, il y a eu un bel gars qui est sorti. Et donc, les journaux en parlaient qu'on n'était même pas encore habillés en cellule, quoi. Et donc, ils ont été obligés de nous libérer, quoi. C'est bien. Ça, donc, ça montre quand même que la solidarité... Les réseaux sociaux, encore une fois, ça marche du tonnerre, quoi. Et sinon, pas d'autres emmerdements depuis Non, enfin oui, des trucs, des agressions verbales, etc. sur les réseaux sociaux, mais pas d'emmerdements de l'État ou quoi que ce soit. Enfin, je pense pas, a priori. Tu serais au courant quand même Non, j'en sais rien. Je veux dire, non, je pense pas. Je veux dire, je pense pas que je sois encore sur écoute, je fais plus grand-chose... Voilà, je pense que ça va. Tu fais plus grand-chose, qu'est-ce que tu veux dire? Je fais plus grand-chose sur le terrain. Donc, ça fait longtemps que j'ai plus organisé une manif, enfin voilà, des trucs comme ça. Ok, donc quand on est critique sur le réseau social, il n'y a pas de souci, quoi. En gros, on ne t'emmerde pas. Je sais que tu as été coupé, Facebook t'a coupé. Oui, hein, ça, voilà, mais ça, c'est parce que des gens te signalent, en fait. Donc, ils te signalent et à l'époque, quand ils signalaient en masse, ça suffisait pour que tu sois bloqué. Et maintenant, je pense qu'il y a des gens qui regardent pourquoi tu as été signalé et qui estiment que oui, on va te virer ou non. Voilà. Et donc, oui, il y a encore. Mais là, ils n'arrivent plus bizarrement à me bloquer. Ça fait longtemps que je n'ai plus été bloquée alors que je vois d'autres gens qui le sont, quoi. Mais peut-être. Ça dépend de ce que tu publies, évidemment. Oui, mais j'ai déjà été bloquée plein de fois et pour des trucs bien moins graves que ce que je peux dire des fois, quoi. Donc, tu n'es pas dangereuse, Anne? Non, merde, j'ai vieilli. Mais j'ai vu que tu rameutais 10 000 personnes quand même, enfin 9 000 et des poussières sur ton réseau social. Allez, c'est un génial outil. Après, tu crois que tu pourrais rameuter tout ce monde dans la rue? Non. Certainement pas, mais... Ou peut-être, pourquoi tu dis non d'office? Ça dépend la cause, ça dépend peut-être. Ouais. Après, un truc peut vite devenir viral, mais je n'ai pas encore trouvé le truc. Mais je n'ai pas besoin. En fait, sur mes 10 000, par exemple, ici, on organise une donnerie le 31 août. Et c'est une donnerie pour la rentrée, donc pour que les familles ne soient pas trop prises à la gorge. Parce que, mine de rien, une rentrée, ça coûte. Et donc, il y aura des vêtements, il y aura des fournitures scolaires. Enfin, tout ce qu'on va nous donner, on va le redonner. Et c'est clair que si je le mets sur mon mur Facebook, on reçoit plein. Et donc, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que 10 000 personnes m'amènent des sacs de fringues. Mais quand tu as 10 000 personnes, tu as plus de chances d'avoir beaucoup de choses, quoi. Et donc, ça, c'est génial. On pourrait aussi un peu aborder le, parce que sur le ce média qu'est le réseau social, il y a, c'est quoi cette histoire avec ce monsieur Manuel Abramovitch? Parce que j'ai vu passer ce type, voilà, que je connaissais pas plus que ça, je me suis pas plus renseignée, mais j'ai vu l'insulte comme ça ouverte à tout le monde. Pourquoi t'as fait ça? Alors, j'ai fait ça. Bon, il y a tout un historique. Je ne sais pas si tu veux que je te raconte. Mais dans, juste dans les grosses lignes, parce que ça fait un peu règlement de compte, du coup, tu vois, et on comprend pas. Enfin, oui, on comprend que ce type, il n'a pas été correct avec toi et que tu le mets publiquement. Voilà, paf, quoi. Et ça marche en même temps. Mais en fait, je l'ai fait parce que je le fais comme ça avec tous les gens qui m'agressent sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Oui, c'est non-stop. Hein. Mais quand ils ne s'arrêtent plus, en fait, j'ai pas encore trouvé d'autres moyens de les arrêter que de publier ce qu'ils disent. Et donc ce monsieur, il s'arrêtait plus alors, c'est ça? On avait un échange qui avait duré quand même quelques mails. C'était très agressif et il en est arrivé là, donc à des propos totalement inacceptables. Et donc je les ai publiés pour que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Et donc voilà. Mais tant mieux. Mais en même temps, ce type, du coup, il est. Enfin, moi, je n'étais pas plus au courant que ça. Mais maintenant, il est un peu fiché aussi. Hein, Je lui souhaite de se calmer, en fait, parce qu'en fait, il a créé Résistance, qui est une association qui lutte contre l'extrême droite, mais qui est très, très. Enfin, en tout cas, qui a été jusque-là hyper précieuse. Je veux dire, Manu, c'est quelqu'un qui a infiltré l'extrême droite à l'époque. Il a quand même pris des risques. Il a révélé plein de choses utiles. Et il a créé ce groupe qui est vraiment. C'est un expert en extrême droite. C'est-à-dire qu'il est encore consulté pour savoir si tel groupuscule peut être qualifié d'extrême droite, si tel groupe est dans... Et ça, c'est très précieux. Simplement, il pète un peu une durite pour le moment et il faut vraiment qu'il s'arrête parce qu'il est en train de nuire à ce combat-là et ça, c'est vraiment dommage. Et en plus, vous êtes un peu du même camp, c'est ça qui est drôle, quoi. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Ah oui, on était même copains. Enfin, je veux dire, il a présenté ses excuses quand même, il a fini par le faire et il le dit lui-même. C'est trop con parce que on est dans les mêmes combats, quoi. Mais je pense que c'est plus un ego trip qu'autre chose. Son travail reste précieux quand il le fait, quand il est très centré sur le combat contre l'extrême droite, il le fait très bien, quoi. Et je pense qu'il doit se recentrer. Ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, en affichant comme ça ouvertement un message qui vous regarde quelque part. Eh bien, du coup, il est moins crédible, quoi, du coup, ce bonhomme. C'est ça qui est dingue. C'est ça aussi, le réseau social. Ouais, c'est moche en même temps. J'ai un peu hésité à le faire, mais je dois dire pas très, très longtemps, parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai, et pas qu'avec moi. Et donc, je pense qu'à un moment, personne n'ose trop rien dire, à cause de ça, justement. Mais, à cause de quoi, justement? À cause du fait qu'il est précieux. Mais à un moment, je veux dire, il commence à nuire lui-même au combat et ça ne va pas. Et je suis désolée d'avoir dû faire ça parce que c'est un gars pour qui j'ai eu de l'affection. Enfin, voilà, c'était un pote. Mais on ne peut pas non plus laisser quelqu'un t'agresser comme ça, quoi. Et j'avais envie d'aborder aussi l'idée de cette gauche. Hein, est-ce que tu te considères de gauche? J'ai vu que tu t'étais inscrite sur des listes PTB 2012. Hein, oui, en fait, je suis clairement de gauche. Donc tu te dis de toi-même, je suis de gauche. Oui, quoi. Oui, totalement. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rigoler quand les gens disent que les notions de droite et de gauche, c'est dépassé et tout. Souvent, les gens qui disent ça, peut-être pas d'histoire, du coup. Oui, non, c'est surtout des gens qui n'assument pas d'être de droite, bien souvent. Mais, oui, ou qui oublient l'histoire, parce que l'histoire du mot gauche, l'histoire du mot droite, ça a une histoire, quoi, aussi, très totalement, forte. Totalement, mais... Mais je veux dire, tu t'affiches quand même gauche aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de cette politique menée, là. Malgré ça, tu continues à dire « je suis de gauche ». Ah oui, parce que je ne considère pas que le PS soit de gauche, par exemple. Pour moi, le PS, je me sens socialiste, en fait, fondamentalement. Mais pour moi, je retrouve plus le PS comme je le voudrais au PTB que au PS. Après, je me situe politiquement, peut-être que je suis dans l'erreur, mais en tout cas, à mon niveau de connaissance, je me situe entre Écolo et le PTB, mais je trouve qu'Écolo est de moins en moins de gauche, en fait. Est-ce qu'elle l'a déjà été seulement ? Pour moi, en tout cas, sur certaines questions, il l'est de gauche. Écolo, là ? Oui. Et quel exemple ? Mais par exemple, pour tout ce qui est défense des migrants, depuis toujours, ils sont de gauche. Clairement. Pour ce qui est économique, je les trouve un peu trop capitalistes. Ils veulent trop que les choses fonctionnent dans le système, sans remettre en question le système. Mais moi, j'ai énormément d'amis chez Écolo et énormément d'amis au PTB. Et mon seul regret, c'est que ces deux-là n'arriveront jamais à s'entendre, quoi. C'est sûr, ça ? Oh, je suis à peu près certain. Mais pourquoi ? Parce que des deux côtés, il y a des boutons qui poussent dès que tu évoques l'autre, quoi. C'est, c'est des désaccords fondamentaux. Enfin, voilà, c'est même devenu un peu ridicule et viscéral chez certains. Mais Écolo, pour moi, s'est planté, pas les dernières élections, mais les précédentes, en grande partie parce qu'ils avaient mené campagne contre le PTB au lieu de mener campagne contre pour un programme, quoi. Et le PTB est tombé dans le même travers maintenant, mais ils s'entendront jamais. D'autant que pour moi, l'écart se creuse un peu entre eux, quoi, d'un point de vue économique. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ou alors c'est moi qui vois plus ça, mais pour moi, Écolo s'affiche de moins en moins anticapitaliste. Après, il y a des individus chez Écolo qui sont anticapitalistes, mais pour moi, c'est pas un parti anticapitaliste, quoi. Moi, je connais pas plus que ça, hein. Je discute avec toi, donc voilà. Après, je suis pas politologue, hein, mais c'est mon avis, quoi. Mais moi, par exemple, pour qu'on discute, je crois pas toute cette politique-là. Moi, j'y crois plus, j'y crois pas. Seulement, j'ai déjà cru, quoi. Tu vois, à tous ces... Comment tu vois le futur, toi ? Moi, quand je vois les gilets jaunes, je suis une grande défenseuse des gilets jaunes. Parce qu'il y a là un modèle de quelque chose qui pourrait se construire sans les partis politiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont... fortement critiqués. Parce qu'ils ne font pas partie d'un parti, c'est ça ? Oui, et que déjà, et qu'ils ont... En fait, c'était monsieur et madame tout le monde à la base. Et puis, on leur a beaucoup reproché de ne pas trop savoir pourquoi, contre quoi ils luttaient. Moi, dès le début, je me suis dit, mais en fait, oui, ils protestent parce que le prix du diesel va augmenter, mais en fait, ça dit beaucoup sur la vie de ces gens-là, en fait. Parce qu'en fait, c'est des gens, surtout moi, dans ma région, ils étaient tout le temps un feu, lui. C'est des gens qui sont dans une région où il n'y a pas de transport en commun, où tu travailles comme un bœuf pour gagner rien, et ta voiture, c'est ton outil de travail. Et donc, le prix du diesel, c'est pas le prix du diesel. Le prix du diesel, c'est le coût de la vie, quoi. Et donc... ça a démarré de ça, en effet, mais petit à petit, ils ont eu une réflexion vraiment... Ils ont dû se positionner, d'ailleurs, d'abord contre l'extrême droite ou pour l'extrême droite, parce qu'il y a aussi des gens d'extrême droite, mais ils ont dû prendre des positions politiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre. Et puis, ils ont dû avoir une réflexion très globale, non seulement sur ce qu'ils vivaient, mais aussi sur comment est-ce qu'on se structure, comment est-ce qu'on s'organise. Ceux que je connais en Belgique, par exemple, ont toujours refusé les leaders autoproclamés. Ils ont toujours été très vigilants sur l'extrême droite. Et ils se sont organisés de manière fantastique, en France encore mieux, sans être récupérés. Ils ont été récupérés par des idées qui puent parfois, mais sans être récupérés par le moindre parti politique. Et ils ont réussi là où énormément de militants rament depuis des années. D'ailleurs, il y a énormément de militants, y compris de gauche, qui les détestent. Mais des fois, tu te dis, mais ils sont jaloux, en fait. Oui, mais moi, c'est ça cette question. La question suivante, c'était, tiens, mais toi, dans ton milieu, hein, parce que je trouve ça aussi intéressant, ton milieu, les gens que tu connais, tout ça, parce que t'es quelqu'un quand même d'engagé, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un bon mot. Mais si, t'es quand même militante, tu l'as dit d'ailleurs, militante. Comment, pourquoi, pourquoi le militant, les militants et les gilets jaunes ne se sont pas mis ensemble plus que ça, en fait. Tu sais, toi ? C'est vraiment dingue, quoi. Il y avait quelque chose là de fort qui se passait, enfin, surtout en France. Moi, je pense qu'il y a une question de précaré. Ils nous volent notre combat. Un truc comme ça, tu vois ? Tu te rends compte dans quoi on est, quoi ? Ah oui, mais... moi, j'ai remarqué ça très fort dans toutes les mobilisations citoyennes. Il y a énormément de ça, tout le temps. Et dans le travail social, souvent aussi, c'est nos pauvres. Enfin, tu vois, notre cause. Et on voit aussi dans les ASBL, nous, on est très fans de partenariats, mais c'est pas toujours facile de nouer des partenariats. Tu vois, c'est... Mais ça veut dire que c'est pas encore la merde à ce point-là pour qu'on se mette vraiment tous ensemble, du coup, tu vois ? Qu'on arrête de... En tout cas, c'est pas encore la merde assez pour nous. Oui, c'est ça. Mais par contre, quand tu vois... Nous, c'est qui ? Ben, nous, c'est ceux qui ont des papiers, un logement, qui n'ont pas leur vie en danger. Mais on a chez nous de plus en plus de gens qui sont en danger. Et ce qui se passe à la plateforme des migrants, c'est juste magnifique parce qu'on a des gens qui logent des gens et qui sont dans des mondes, mais d'abord extrêmement différents, quelles que soient nos convictions politiques. Mais ici, on est en dehors de toute particratie. Il y a des gens du MR qui hébergent des migrants. Et il y a un travail d'auto-éducation permanente qui se fait là, parce que c'est pas que des rencontres bisounours et avec des petits cœurs et des paillettes, c'est aussi des réflexions politiques, des gens qui se disent « Mais bordel, pourquoi je dois faire ça ? C'est pas normal que je dois faire ça. » Faire ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que là, on s'y perd un peu. Accueillir les gens, tu veux dire ? C'est pas normal que je dois loger des gens chez moi, tu vois ? Et donc, en fait... On a de plus en plus... Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « c'est pas normal que je doive loger des gens chez moi » Oui. Qu'est-ce qui serait normal alors ? Mais que l'État fasse son boulot, qu'il les accueille. Et en plus de ça, t'accueilles quelqu'un chez toi et tu te rends compte qu'en fait, il est pas dangereux. Merde alors ! Le plus gros défaut des migrants que tu accueilles, c'est qu'ils consomment une quantité d'eau épouvantable et que donc tes factures... augmente, quoi, parce que ils sont même propres, tu vois. Et donc, ça t'ouvre les yeux sur l'altérité, on va dire, et ça te montre que c'est quand même pas compliqué de secourir des gens, quoi. Et que ça t'a coûté du thé, du sucre, peut-être à bouffer, si t'as le temps, et un peu d'eau et d'électricité. Et un Wi-Fi, voilà. Et t'as aidé quelqu'un. Et en fait, l'État a largement les moyens de faire ça pour 600 personnes. Et là, on se retrouve avec 600 mecs qui sont, et filles et enfants qui sont toujours à la rue, sauf qu'ils sont hébergés chez des gens. Et on se retrouve avec une Europe qui laisse des bateaux avec des centaines de personnes dedans, crevées littéralement dedans, quoi. Et en fait, la plateforme a ouvert énormément d'esprit, clairement. Ah ouais ? Ah oui. Ça a fait évoluer les choses. On n'est pas encore à la grande révolution, mais en tout cas, ça a fait évoluer bien des esprits, c'est clair. Parce que beaucoup de gens n'ont aucune conscience politique. C'est pas pour ça qu'ils... Enfin, tout le monde est politique, mais là, ils en ont une. Mais en tout cas, ce que j'ai compris de cette plateforme, c'est que s'il n'y avait pas les gens... Ce serait horrible. Ça veut dire que vraiment, les gens se sont dit « Bon, là, il faut faire quelque chose, les gars et les filles, là. » Parce que sinon, ces gens se retrouvent sans rien dans la rue, quoi. Ouais. Et donc là, on a vu une belle solidarité se mettre en place. Et comme tu dis, des gens très différents les uns des autres. Il faut savoir que l'hébergement n'a pas commencé dans un esprit « On va héberger des pauvres gens à la rue ». Il a commencé le jour où les flics ont chargé ces gens. Pour les tabasser, pour les virer, pour leur voler leurs affaires. Et donc l'hébergement a commencé pour protéger les migrants de la police. Et aussi parce qu'on n'avait même pas le droit de leur donner une tente. On nous avait dit, si vous leur donnez des tentes, on les emprisonne ou des trucs comme ça. Et donc, en fait, ça a été un acte de résistance. Ça a été, et pas un acte de charité. Voilà, c'était... Après, évidemment qu'énormément de gens le font par charité et ne savent même plus la genèse du truc, mais clairement, en hébergeant un migrant, en tout cas au départ, tu posais un acte de résistance. Mmh. Et c'était verbalisé, c'était pas « on va vous le cacher, on va juste vous demander d'être gentil avec deux, trois mecs venus du Soudan ». C'est « venez empêcher la police de charger sur ces gens mmh. ». Voilà. Et donc c'était hyper politique, quoi. Je ne sais plus d'où on vient pour arriver à ça, mais voilà. Moi non plus, mais on parle comme ça. On a parlé de politique, de la gauche. Et je te posais la question, bientôt, tu te dis militante de gauche. Pourquoi on n'est pas plus à se donner vraiment tous la main, à vraiment être en... Même avec les gilets jaunes, même... Bon, là, on voit avec les migrants. Et tu disais un petit peu, ben, oui. C'est un peu chacun son précaré, quoi. Ouais. Et non, et aussi le fait que, c'est ça que je voulais dire, c'est que nous, on n'est pas encore dans la merde, mais on voit de plus en plus... Et quand tu dis nous, excuse-moi, mais c'est pour qu'on comprenne. Nous, les gens avec des papiers, un logement et un travail aussi. De revenus, ouais. Mais c'est bientôt votre tour. En tout cas, ça devient très concret, puisqu'on nous demande de venir en aide à des gens qui y sont dans la merde, et que l'État laisse dans la merde volontairement. Et donc, ça commence à venir, je pense. Et là, franchement, les hébergeurs, il n'y a pas que les hébergeurs, hein, donc il y a des milliers d'hébergeurs, parce qu'on n'héberge pas tous les jours, mais autour de ça, il y a ce qu'ils appellent les colibris, je déteste ce mot, mais... Tu veux dire les colibris, trucs écolo, là ? Ouais, c'est né comme ça. Ouais. Le nom vient de là, mais après, ça a du sens dans leur appellation. Mais ce sont des réseaux par région ou par ville qui se mobilisent pour aider les hébergeurs à se fournir en nourriture, 2,50 € fait des pique-niques, mais aussi aide les gens à payer leurs factures. Et voilà. Et donc, c'est un hébergeur égale au moins 10 personnes qui se mobilisent pour que ce soit possible, quoi. Donc, c'est des milliers de gens en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles qui font ça. Ouais, en fait, oui, tu es occupé à m'expliquer qu'il y a quand même... Il y a la... Enfin, j'aime pas le mot crise, parce que ça fait je sais pas combien d'années, ça fait 40 ans, 50 ans, toute la... qu'on est en crise, comme ça, tu vois, c'est pas vrai, c'est pas ça que ça... Ce que tu es occupé à dire, en fait, c'est que la faille pour qu'il y ait solidarité, tu sais, entre les militants de gauche, mais ceux qui se disent pas militants, les gilets jaunes, les migrants. Donc tu dis la faille est quand même, ça grandit, puisqu'il ouais. y a quand même une solidarité qui est occupée à se mettre en place là, en dehors de l'État, quoi. Totalement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que autant entre Assos ou entre gilets jaunes et entre pas gilets jaunes, on se tape un peu virtuellement sur la gueule, mais autant, tu vois la plateforme, tous ces gens-là hébergent ou aident à héberger. Et donc, ils n'en ont pas toujours conscience, mais ils sont tous dans la même cause, en l'occurrence au parc Maximilien. Mais quand tu dis « ils sont », c'est qui ? Tous les gens qui hébergent ou qui aident à héberger. Là-dedans, il y a des gilets jaunes, il y a des gens, je ne sais pas moi, de chez Vie Féminine, il y a des gens du PS, il y a des gens du MR, il y a des gens du PTB, il y a des gens qui ne sont rien du tout, enfin, en tout cas, qui ne sont pas identifiés politiquement ou associativement. Il y a des policiers, il y a des politiques, il y a de tout. Et en fait, tous ces gens qui... officiellement ne sont pas d'accord sur leurs combats respectifs, mènent le même combat. Voilà. Ouais. C'est quand même du beau, ça. Ah oui, c'est très bien, ouais. C'est très bien. Et il faut que la conscience de ça monte, quoi. Elle va monter, non ? Comment ? Parce que ce sera un petit peu les mots de la fin. Mm-hmm. Comment tu vois le futur là, qui se met en place avec tout ce qui se passe ? C'est chaud. Comment tu sens d'instinct comme ça? Moi, je fais énormément confiance aux jeunes. Après, peut-être que nos parents faisaient énormément confiance aux jeunes, mais je trouve qu'avec avec toute leur naïveté et sans doute parfois peu d'informations ou quoi, mais on a bien vu qu'ils savaient se mobiliser. Ils sont très nombreux. Et j'en vois beaucoup qui, au-delà de la question climatique, parce que j'en rencontre dans les écoles et tout, parce que c'est un peu... Moi, je n'héberge pas, mais je vais dans les écoles quand on me demande pour expliquer un peu, etc. Et en fait, les jeunes, c'est génial parce que ça n'a pas peur. C'est-à-dire que nous, on doit gagner notre vie, on doit nourrir nos gosses, on a peur de tout perdre. Eux, ils s'en foutent, ils n'ont rien et ils ont tout à gagner. Et ils sont encore très ouverts d'esprit et ils sont prêts à changer d'opinion, quoi. Et c'est juste magique, en fait. Donc toi, tu vises sur la jeunesse ? À fond. Pas que, mais parce que la jeunesse, il faut bien l'éduquer. Mais clairement, oui, mais... Oui, à fond, oui, oui. Parce qu'en plus, la jeunesse, bon, il y a eu les deux grosses manifs pour le climat des adultes, entre guillemets, on va dire, mais c'est quand même les jeunes dans la rue tous les jeudis qui, pour moi, qui ont permis en grande partie que même Charles Michel ne disait plus une phrase sans climat dedans pendant la campagne, quoi. Ils ont quand même réussi quelque chose, là. Après, ah oui, mais là, on aborde un nouveau sujet. C'est, oui, tout ça, c'est... C'est une drôle d'histoire aussi, toutes ces manifs avec les têtes d'affiche, la suédoise, là. Enfin, moi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça aussi? Tu vois, comme si aujourd'hui, maintenant, on parle de climat, on va dire, ouf, tant mieux, il vaut mieux tard que jamais. Pourquoi ces personnes-là? Pourquoi ces jeunes-là? Enfin, qu'est-ce que ça raconte, en fait? Parce que tu dis, oui, la jeunesse, c'est le futur. OK. Mais après, vers quoi on les emmène aussi? Parce que tout ça n'est pas anodin, quoi. Tout ça n'est pas naïf, justement. Qu'est-ce que ça raconte, quoi? C'est simplement changer le climat. Waouh, génial, on va changer le climat, on a gagné. En fait, je pense que c'est plus basique que ça. C'est, en fait, la planète, elle est en train de s'éteindre. Et nous, on a encore toute notre vie devant nous, quoi. Tu vois, à la base, la réflexion, elle est là. C'est des scientifiques qui te disent que dans 20 ans, dans 40 ans, ben, il n'y aura plus personne si on ne fait pas des efforts, quoi. Et après... t'as des Greta Thunberg, etc., des espèces d'idoles de la cause, mais ça, je pense que ça, c'est propre à l'humain. Il y a toujours des gens qui s'autoproclament leader d'une cause. Oui, mais je veux dire, moi aussi, j'aimerais bien m'auto-proclamer pour une cause, tu vois. Par exemple, cette gamine-là, je pense pas qu'elle se soit autoproclamée. Je pense que... Ils l'ont proclamé leader. Voilà, mais ça, moi, c'était plutôt la question. Alors, on change le climat. Demain, on change le climat. C'est parti. On a gagné. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que t'as pas l'impression que c'est pas si simple que ça? Enfin, attends, il suffirait que Charles Michel dise, ça y est, maintenant, le climat, et on va mettre tout en place pour changer ce climat. Mais comment? Le capitalisme. Ben voilà, oui, mais tu sais qu'au nom du capitalisme, il y a des guerres qui se font, qui suffirait de dire on va changer les choses. Bah, attendez, c'est de la rigolade tout ça, c'est quoi ce bazar? Non, je veux dire, le combat fondamental, c'est le combat contre le capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui détruit tout pour le pognon, quoi. Oui, mais est-ce que les gens vont pas lâcher leur jouet comme ça facilement alors qu'il y a des guerres qui se font, quoi? Enfin, moi, des fois, après, j'ai l'impression que des fois, je sais pas dans quoi on joue, à quoi, qu'est-ce qu'on se raconte, ou c'est quoi cette histoire de climat. Tu vois un peu? Est-ce que tu comprends un peu ma... Oui. Après, tu observes les jeunes, tu vois des changements individuels, tu vois. Après, ça ne change pas le monde, mais moi, je connais presque plus un jeune qui n'a pas une gourde. C'est con, hein? Mais attends, c'est con. C'est con, mais ça veut dire que... Tu connais des jeunes d'un certain milieu aussi, du coup? Eh bien, pas forcément. Pas forcément, parce que les écoles jouent le jeu, etc. Mais évidemment qu'ils ne vont pas changer le monde en achetant moins de canettes. Mais ils vont peut-être faire réfléchir le producteur de canettes. Déjà, ça, c'est une chose. Après, on le voit qu'ils réfléchissent, puisqu'on est dans le greenwashing en plein. T'as Coca-Cola qui met des pubs partout en disant « N'oubliez pas de jeter vos canettes dans les sacs bleus ». Enfin, tu vois, c'est juste pathétique. Mais ces jeunes-là, ils sont jeunes, quoi. Et puis, un beau jour, ils vont... Peut-être pas tous, mais ils vont se dire, mais en fait, c'est un peu, je change pas le monde avec ma gourde, mais, mais, Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce, mais oui, mais qu'est-ce qui, d'où ça vient, enfin, tu vois, et ils seront plus ouverts à une réflexion globale sur comment fonctionne le monde et comment il devrait fonctionner. Mais le problème n'est pas les gens, en fait. C'est, ils sont pas le problème. C'est vieux, quoi. Bah c'est oui, vieux, mais c'est ceux qui gèrent le monde, ceux qui se croient les maîtres du monde, ou ceux qui veulent. J'ai vu un docu il y a pas longtemps du Moyen-Orient, les Émirats arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar au milieu. Ils sont là, ils veulent être les rois du monde, quoi. C'est les nouveaux rois du monde. Ils le sont. Là, je ne sais pas comment on va. Comment on va les abattre, mais donc tu vois quoi, on joue quoi. Je veux dire, il y a notre regard à nous. Mais je vois quand même que tu vois la participation, la démocratie horizontale. Moi, ça me fait aussi rigoler un peu tout ça, mais ce sont des notions qui faisaient hurler de rire tout le monde il y a même pas 10 ans quoi, et qui commencent à rentrer dans les esprits. Le tirage au sort au lieu des élections, tu vois. Mais c'est vieux tout ça, Anne. Ça n'est plus ridicule aujourd'hui, et ça l'était il y a 10 ans. Et donc, quand même, il y a des conceptions de gouvernance qui commencent à faire leur chemin, tu vois. Et donc, ça peut être une révolution lente, hein, mais ça évolue. Enfin, ça évolue. Après, on verra. Enfin, on verra pas, nous deux. Nos enfants, hein. Nos enfants. Ouais. Mais je pense que en profondeur les choses changent aussi, même ne fût-ce qu'en adoptant une gourde, quoi. Je suis persuadée de ça. Mais on ne peut pas se borner à boire de l'eau du robinet dans une gourde. Je veux dire, ça suffit pas, clairement. Mais on ne peut pas se borner à héberger un migrant. Mais on héberge un migrant et puis on réfléchit et puis on fait son chemin et puis les choses évoluent beaucoup, en fait. Voilà. Elle était géniale, merci Anne. Je pense que voilà, je t'ai croqué quoi. T'as envie de dire des mots que, enfin, j'aurais pas posé comme question, que t'as envie de dire, de profiter de ce temps-là, ce sera les mots de la fin. J'ai envie de dire, mais je dis toujours la même chose, mais c'est on a tous du pouvoir et il faut le prendre. Voilà. D'accord. Merci Anne.